pas de vie. Je suis connu dans toute la ville. Je suis mon car, rangé les quiches par mille. J'ai pris de l'avance et j'ai moins d'amis. On mange en famille, je tourne en gamos dans tout Paris. Le but c'est de quitter la caille. Mais pour le moment, je revends la Cali. Y'a plus le choix, faut être armé. L'ennemi n'est jamais très loin. À Noël, on fait pas de cadeaux, il faut payer la zipette sous le sapin. Toujours on est bien sapé, on aime la mode, on aime la marque. Rien qu'on fait des maths, j'aime les sous comme ils aiment le crack. Un commerce c'est le prix d'une boîte. Je fais des contacts, de Tanger au d'Alicante, ça peut te la livrer en bas de ton bac. Je suis dans un bar quand je parle de bail. J'ai trouvé la faille. Weekend à Milano, y'a que du jubilé dans la fouille. On porte nos couilles quand y'a embrouille. Quand j'ai dans la débrouille. J'ai connu l'adré du terrain, première mi-temps quand les keufs déboulent. Pas de semi où le four est cool. À minuit tous sous alcool. En équipe on se serre les coudes et j'ai toujours respecté les codes. Ok. J'ai bossé, j'ai tout donné dans la cahier. Faire des sous, combien de cassettes j'ai détaillé. J'ai vu les vrais porter leur couille quand il fallait. J'ai vu les vrais porter leur couille quand il fallait. J'ai bossé, j'ai tout donné dans la cahier. Faire des sous, combien de cassettes j'ai détaillé. J'ai vu les vrais porter leur couille quand il fallait. J'ai vu les vrais porter leur couille quand il fallait. Libérer Mike, Mams, Samy, encore en D3, libérer Brams, libérer Claude, deux fois, libérer Mao.